Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Web Musique vous propose, comme à l'habitude, de la musique gratuite que vous pouvez télécharger sur Internet. C'est de la musique qui est publiée sous licence Creative Commons, des fois dans le domaine public. Donc, c'est ça, vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. C'est assez simple. Vous vous rendez sur le blog qui est au www. webmusique.org. Vous avez toutes les ressources sur le blog pour télécharger ce que vous entendez à l'émission. On va débuter avec des artistes qui sont sur un netlabel qui vient de l'Angleterre. Le netlabel s'appelle Planet Terror Records, un nom qui fesse pas mal. Donc, on débute avec un artiste anglais qui s'appelle Culprate. Je vous fais passer sa pièce Mars. Ça va être suivi par un artiste belge du nom de King Stocks. Je vous fais passer sa pièce It's Burning. Donc, ben, c'est ça, on débute tout de suite Web Music avec Culprate. Thank you. We'll be right back. C'était Kingstox, un artiste belge. C'était sa pièce It's Burning. Avant ça, c'était Culprit avec sa pièce Mars. Donc, un artiste qui vient de l'Angleterre. Les deux artistes que vous venez d'entendre sont sur le netlabel Planet Terror Records, un excellent netlabel qui ont vraiment énormément de matériel. Donc, je vous invite à faire un petit tour de leur côté. On poursuit Web Music avec deux collectifs qui sont sur le netlabel Bad Taste Records, un netlabel qui vient de Sheffield en Angleterre. On va débuter avec Trillion, la pièce Strange Lights. Ensuite de ça avec Darkstorm, la pièce s'appelle Gateway Shuffle. Vous allez voir, c'est du hip-hop à tendance assez dark, vraiment intéressant. Donc on débute tout de suite avec Trillion. In a place that you can't find on any map. Wrong neck of the woods, grab your flashlights. Keep your head low when I let go. Snipe you from the bell tower on the 12th hour. Looky, looky, I got hooky. But Smee, Smee, what about Smee? Smee's not me. Me is the Trillion. Stroke of luck, I just burned down the sheriff's station. What do you know, I smell a setup. World start crumbling down when I get up. Core weaselist, pure devious. Playing Russian roulette with Cornelius. Smoke down ganja buds in abandoned subs. Off the radar, full steam ahead. Move closer, something like a perfect storm. Silent killer, hovering the ocean's floor. Composing death on the floating piano. Drifting, head caught in the strange lights. Get a rush of adrenaline when you're fucking with Trillion. Let's go back to the snowfields. Trying to retrace my steps from the night before. Follow me and find yourself in the crater. Mood snappy like gators when I rise and shine. Splash round a pool of blood trying to find my knife. Time to dine on the fruits of the forest. Buzzing. Eat porridge with electric currents. Sneaky outlaw, saloon arsonist. Spoon sharpening, pursue the goon scarpering. Moon harvest, I grow planets in the void. Deploy, leave your whole canopy destroyed. Scattered debris, hear me coming miles away. All of your mans are missing. Can you find a way? Your hands are trembling and your feet are swollen up. Hemoglobin rushing, dilate for transition. A sad spirit with vampiric ambition. A child sings a song in a land of wrong things. A grey sky provides strange lights for haunting. Forlorn watchman, ghost ship passenger of ocean massacre. Bones float off and raft with an east stained canvas. The methane lanterns make the meat taste rancid on the high seas. Icy water on the opposites where I dwell. Under the stairs to hell, sharing hell with Trill. Yeah, he's there as well. Bare your soul without dances. There's no answers on the top of mountains. Only echoes when you're proper shouting. Stop announcing, I am bothered, man. I'm in a space racing, chasing a hologram. Face of an honest liar. Dark rappers on the fire. Only thing I'm on is fire. Fire, fire, fire. We returned to the wreck. We spent the day there waiting to see if anyone came. No one did. The night came. Push buttons, block coordinates, prophesize as the pendulum oscillates. Kill time like brain cells, slowly switching, close to silence. aliens communicating ghostly whispers. Rope magician, see you on the other side. Sopping Chris, complimentary mothership supplements. Hidden doorway, a vortex of twisted portals. Creep up your attic stairs, skip squeaky floorboards. Knock knock, who's there? It's Mr. Wish Away. Just another shitty day in the pissing rain. Maintain that bitter taste from the spliff I blaze. Same day, different place, time to kick a phrase. Time to drift away into a kind of mystic state. Liquid based sediment forming at the river's base. Float downstream, stop by, smoke your house clean. Filling pages, sloshed at the winner's table. So come and have a talk with Trellian, the walking skeleton. Pick your lock, torch your relatives, not the evidence. Pure degenerate, Lukey's got a problem. A loser's not an option. Props to boxing, shock a block, blunt top, boxed off the toxins. Watching, we'll be clocking your every movement. Intrusive cadet, shoot loops through your flesh. Lose your head, I couldn't give a flying fuck who's the best. Yo, uncivilized, I wander on the riverside. On an ill-advised mission to the distant heights. Vilified, ghost war, prison guide, go forth. I hold a blowtorch to wicked guys sly. Filthy, musical illness, poisonous plague. Move through the filters, beautiful stillness occurs in the wake. The bitterness emerge with a smirk on their face. Snake in the turf makes silent movements. Your future decided, fate is at work. An age of the earth wipes out by the mind polluter. Welcome to the dark times, I'm the ruler. Beats pulsate from a vague space, lays out the range of your mind computer. Make way, step aside, that the right maneuver. Or a knife into you, start slicing through ya. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. Vous venez tout juste d'entendre un collectif anglais du nom de Dark Storm. C'était la pièce Gateway Shuffle. Avant ça, on entendait un autre collectif anglais du nom de Trillion. C'était la pièce Strange Lights. Donc, ces deux collectifs-là se retrouvent sur le netlabel Bad Taste Records. C'est un netlabel qui vient de Sheffield en Angleterre. On va poursuivre avec Set in Sand, avec sa pièce Chasing Our Tail. C'est sur Drift Records. Puis ensuite de ça, sur le netlabel français Vorbic, on va entendre Distance and Materials, la pièce Black Sand. Sell them at a shop, mailing it. C'était Distance and Materials, un groupe qui vient de l'Angleterre, ou un artiste plutôt. Donc, c'était la pièce Black Sand. Avant ça, de Denver au Colorado, c'était Set in Sand. La pièce Chasing Our Tail, ça c'était sur le net label Drift Records. Vous allez voir si vous allez sur le site de Drift Records, ils font un petit interlude de ce temps-ci, donc ils publient pas de matériel, mais ils ont une vidéo d'un chat sur une chaise. C'est vraiment tordant. Allez faire un petit tour, ça vaut la peine. On va poursuivre l'émission. Comme vous avez pu peut-être le remarquer, l'ordinateur pour passer les pubs, un petit problème. Vous êtes chanceux, vous n'avez aucune pub pour un bon bout de temps. On va poursuivre l'émission Web Music avec Lambic, un artiste sur le netlabel Larry Day. Je vous fais passer sa pièce Now We're Mobile. Puis ensuite de ça, sur Lost Children, une étiquette anglaise, c'est Millimétrique, un artiste de Québec que j'adore, qui fait une pièce avec Port-Royal. La pièce s'appelle Les artefacts du futur. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Lambic, la pièce Now We're Mobile. Toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. Donc, on vient tout juste d'entendre une pièce de Millimétrique avec Port-Royal. La pièce s'appelle Les Artefacts du Futur. C'est une pièce tirée de l'album de Millimétrique. Mon Dieu, je me souviens plus du nom de l'album, je l'ai pourtant. Donc, c'était sur une compilation sur Lost Children, un net label anglais. Et avant ça, c'était Lambic sur le netlabel Larry Day. C'était la pièce Now We're Mobile. Donc, on va poursuivre l'émission avec Bacchanal Intruder. C'est un artiste qui est sur le netlabel Zymogen. Je vais passer la pièce L'Oriao. Puis ensuite de ça, sur une étiquette française du nom de Autre Dimension in Music, je vous fais passer Depth Effect, la pièce Meskin Eye. Vous allez voir, c'est excellent. Donc, ben, pour tout de suite, on écoute Bacchanal Intruder avec sa pièce L'Oriao. Thank you. C'était Depth Effect, un artiste français. C'était sa pièce Mesquine Eye. C'était sur le Netlabel Autre Dimension in Music, un Netlabel français. Avant ça, ben, c'était Bacchanal Intruder, la pièce Lo Riao. C'était sur le Netlabel Zymogen Records. Ben, c'est ça, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle qu'on a un petit problème à la régie, donc vous n'avez pas de pub. Vous allez probablement entendre les pièces de l'émission pendant toute la nuit. Donc, en espérant que quelqu'un peut venir repartir l'ordinateur WinRadio. Mais donc, c'est ça, je vais vous laisser sur une dernière pièce donc de Sophie Rimheinden. C'est une Suédoise. Je vous fais passer sa pièce One Thing. Puis c'est sur l'étiquette Race Will Begin, une étiquette suédoise. Je ne sais pas s'il existe encore. Je n'ai pas réussi à trouver de lien qui fonctionnait pour ce Netlabel. Donc, ben, c'est ça, on va se laisser avec Sophie Rimheinden. Puis, ben, je vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Puis, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Puis, d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine à l'antenne de CKRL. Bonsoir. Yeah.